إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue dans l'explication de la conférence qu'on a commencé à expliquer la dernière fois au sujet de Shumuliyatul Ibadah. Donc on continue avec l'explication de la conférence du Cheikh Saleh Al-Fawzan au sujet de la globalité de l'adoration. Shumuliyatul Ibadah. Et le Cheikh Al-Fawzan, il continue donc à expliquer le verset dans Surat Al-Baqarah. Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum, alladhi khalaqakum. والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Donc il explique, il dit: يا أيها الناس, هذا أمر لجميع الناس, جميع بني آدم, عربهم, عربهم وعجمهم وملوكهم وسلطتهم وذكورهم وإناثهم وأحرارهم وعبيدهم وأغنيائهم وفقرائهم. يا أيها الناس, المنادي من هو؟ هو الله جل وعلا. والمنادى هم جميع الخلق, فلم يستثن منهم أحدا. يا أيها الناس, اعبدوا ربكم, هذا أمر من الله. ثم ذكر الدليل والبرهان على هذا الأمر: الذي خلقكم والذين من قبلكم. Donc le Cheikh explique, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset, il s'adresse à toute l'humanité, à tous les hommes. Donc c'est un ordre que Allah subhanahu wa ta'ala émet pour toutes les créatures, pour tous les fils d'Adam, que ce soit des Arabes ou des non-arabes, que ce soit des rois ou des dirigeants, ou que ce soit des hommes ou des femmes, ou que ce soit des esclaves, ou que ce soit des hommes libres, que ce soit des gens riches, ou que ce soit des hommes pauvres. Yani, tout le monde sont concernés par cet appel. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhan nas. Donc tout le monde est inclus, tout le monde est concerné. Et qui est-ce qui fait cet appel? C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et il s'adresse à qui? Il s'adresse à toute la créature, sans exception. Il n'a pas exclu personne dans cet appel. Et donc il dit: Ya ayyuhan nas, ubudu rabbakum. Ô vous les hommes, adorez votre Seigneur, votre Rabb. Et donc ça, c'est un ordre de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite il mentionne la preuve. Il mentionne la preuve et l'évidence sur lequel se base ce commandement et cet ordre. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum. C'est-à-dire, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé vous et qui a créé ceux qui étaient là avant vous. Donc, c'est là-dessus qu'il se base pour inviter l'humanité à l'adorer. هذه براهين وأدلة ساطعة واضحة على وجوب عبادة الله وترك عبادة ما سواه. Comme on avait expliqué la dernière fois, on avait expliqué que, étant donné que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le créateur, hein, c'est lui qui nous a créé cette terre sur laquelle on marche, et qui a créé les cieux, et qui nous a donné, hein, toute la subsistance dont on a besoin. Donc tout ça sont des preuves et des arguments que Allah subhanahu wa ta'ala mentionne pour justifier le fait que c'est lui seul qui mérite d'être adoré, et que tout ce qui est adoré en dehors de lui doit être abandonné. Donc le cheikh il dit, هذه براهين وأدلة ساطعة واضحة على وجوب عبادة الله وترك ما عبد أو ترك عبادة ما سواه. بقي أن نعرف ما هي هذه العبادة التي هذا شأنها وهذا قدرها ومكانتها عند الله سبحانه وتعالى. ما هي العبادة؟ Donc il dit, maintenant il nous reste à savoir qu'est-ce que c'est que cette adoration que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne, hein, d'accomplir, et dont l'importance et toute l'importance qu'on a mentionnée dans le cours précédent et dans les explications qu'on a données la dernière fois. Qu'est-ce que c'est cette adoration ? لأن كل واحد يدعي أن ما يعمله هو العبادة فلا بد من بيان العبادة الصحيحة التي هي مقبولة عند الله جل وعلا. الله لم يتركنا لأنفسنا نعبده بما نشاء من عند أنفسنا نتقرب إليه بما نشاء ولم يكلنا إلى أحد نقتدي ونتبعه في أفعاله وإنما هو الذي تولى ذلك سبحانه وتعالى هو الذي بين لنا العبادة وأرسل بها الرسل وأنزل بها الكتب ولهذا يقول العلماء العبادات توقيفية لا يجوز أن يعبد الله بشيء إلا إذا كان بدليل من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. Donc le cheikh il dit, il faut qu'on sache qu'est-ce que c'est cette adoration que Allah subhanahu wa ta'ala nous ordonne d'accomplir. Parce que chacun peut prétendre que ce qu'il fait est une adoration. Et c'est le cas aujourd'hui de la part de toutes sortes de personnes qui font toutes sortes de choses, et puis par la suite ils disent que ce qu'ils font est une adoration. Donc il faut absolument clarifier qu'est-ce que c'est l'adoration qui est correcte, et laquelle d'entre ces adorations-là sera acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé à nous-mêmes d'inventer ou d'adorer comme on veut, ou de faire des adorations de nous-mêmes, hein, et de se rapprocher à Allah subhanahu wa ta'ala comme on veut. C'est comme par exemple certaines personnes qui parfois, hein, ne pratiquent pas l'islam correctement. Alors qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, je pratique l'islam à ma façon. Et on entend des gens comme ça qui disent, je suis musulman à ma façon, et je pratique l'islam à ma façon, et je crois en Allah à ma façon. Ça c'est pas acceptable et c'est pas correct. Si tu veux que ton adoration soit acceptable et que ton islam soit valable, il faut que tu adores Allah subhanahu wa ta'ala comme Allah subhanahu wa ta'ala te demande de l'adorer, et que tu pratiques ton islam comme Allah subhanahu wa ta'ala veut que tu le pratiques. C'est pas juste de dire comme ça, moi je pratique l'islam à ma façon, selon ma compréhension, selon ce que j'ai compris moi-même. Allahul Musta'an. Donc le cheikh il explique, il dit, qu'est-ce que c'est cette adoration, hein? Allah nous a pas laissé donc le choix de décider par nous-mêmes par quel moyen on va se rapprocher de lui. Il n'a pas non plus laissé la chose ouverte, c'est-à-dire qu'on choisit n'importe quelle personne puis on le suit, hein? On le suit dans ce qu'il pratique ou dans ce qu'il fait. Allah subhanahu wa ta'ala nous a lui-même expliqué et clarifié qu'est-ce que c'est cette adoration et comment la faire, et il nous a envoyé des messagers avec justement le devoir de nous expliquer et de nous clarifier cette adoration-là, et il a également fait descendre des livres pour nous expliquer et pour nous montrer également qu'est-ce que c'est l'adoration. Et c'est pour cette raison que les ulama de l'islam disent que l'adoration est tawqifiyya, c'est-à-dire que en ce qui a rapport avec l'adoration, on doit se limiter et s'arrêter à ce qui est mentionné dans la révélation. Et on ne peut pas inventer par nous-mêmes des nouvelles façons d'adorer Allah, ou des nouveaux moyens d'adorer Allah, ou des nouvelles façons de se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il n'est pas permis d'adorer Allah, excepté par quelque chose que, sur lequel il y a une preuve, venant du livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran, ou bien venant de la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. فما هي العبادة التي أمر الله تعالى بها حتى نعرفها حتى نعرفها ونقوم بها ولا نكون في جهل منها وتعب بلا فائدة لأن هناك أصنافا كثيرة يعبدون الله ولكن على غير طريق وعلى غير هدى فلا تقبل عباداتهم ولا تنفعهم عند الله وتصبح تعبا بلا فائدة وهؤلاء هم الضالون من عباد الله والعباد بالله لأنهم يعبدون الله على جهل وضلال. Donc le cheikh explique, il dit donc cette adoration que Allah nous a ordonnée, c'est quoi, hein, pour qu'on puisse la connaître et pour qu'on puisse l'établir et l'accomplir comme Allah subhanahu wa ta'ala le veut de nous. Et qu'elle ne soit pas une adoration qui est établie sur l'ignorance. Et qu'elle ne soit pas en même temps une sorte de fatigue inutile. Parce qu'il y a des gens comme ça, comme le cheikh il dit, il y a des catégories de personnes qui font des formes, qui font des choses qu'ils appellent adoration, ou qu'ils prétendent être des adorations pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils ne les font pas sur une voie ou sur une guidance, et donc cette adoration-là qu'il fait ne sera pas acceptée d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils se fatiguent inutilement, hein. Et vous avez juste à prendre comme exemple l'adoration des chrétiens, l'adoration des juifs, l'adoration des autres également qui adorent autre que Allah, ou qui font du shirk, ou bien qui adorent Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière que Allah n'a pas légiféré, on n'a pas ordonné, hein? Allah musta'an. On voit des gens qui font des choses incroyables, qui s'enferment dans des monastères pendant des années, hein? Des femmes qui restent enfermées, cloîtrées dans des monastères pendant des années et des années, qui ne voient personne, qui ne parlent à personne, hein? Qui ne se marient pas, qui n'ont pas d'enfants, qui n'ont pas de famille. Pourquoi? Parce qu'ils pensent qu'ils doivent rester comme ça pour adorer Dieu, hein, et se renfermer et se couper de la société, de se couper de tout, soi-disant pour montrer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'ils aiment Allah. Et Allah n'a jamais exigé ce genre de choses de leur part, mais c'est eux-mêmes qui les ont inventées. Et c'est à cause de ça qu'ils ont dévié et qu'ils sont tombés dans l'extrémisme et dans l'exagération dans la religion. Et on a vu par la suite les effets de ça dans leur société, c'est que, à force d'avoir trop exagéré dans la religion, par la suite, qu'est-ce qui est arrivé? Ils se sont rebellés contre la religion. Et ils sont devenus maintenant des ennemis de la religion. Hein? Tout ça à cause de quoi? À cause de l'exagération et de l'extrémisme. Hein? Il y a des gens parmi les chrétiens, par exemple, Allah al-Musta'an, je parle de ça parce que je l'ai vu moi-même avec mes yeux et j'ai grandi dans ce contexte-là. Et quand ils ont fait quelque chose, ils vont aller, par exemple, là, près de chez moi, il y a une grosse église où les gens vont, une cathédrale. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils vont monter les marches de cette cathédrale à genoux. Et à chaque marche, il s'arrête pour réciter un chapelet, hein, et il monte ses marches ça peut prendre des heures et des heures avant qu'ils arrivent jusqu'en haut, hein, parce que c'est des centaines de marches, hein, et ils pensent qu'en faisant ça, ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez, hein, imaginez ces personnes-là lorsqu'ils arrivent au jour de la résurrection et qu'ils réalisent que tout ce qu'ils avaient fait comme effort et comme travail et comme adoration sera vain, sera devenu de la poussière et n'aura aucune valeur pour Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'elle n'était pas établie sur le tawhid d'Allah et parce qu'elle n'était pas établie sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne ça dans plusieurs versets. Il dit: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Hein, on va voir, on va prendre ce qu'ils avaient fait comme action et on va le faire comme de la poussière éparpillée. Ils ne profiteront de rien de ce qu'ils ont fait comme adoration. Et il y a l'exemple également des Khawarij, hein, parmi les musulmans. Hein, des Khawarij qui sont tombés dans l'extrémisme dans la religion. Et puis qu'est-ce qui est arrivé avec eux? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il les a décrits, il a dit: quand vous allez les voir, vous allez mépriser. C'est-à-dire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'adresse aux sahaba. Et il dit aux sahaba: quand vous allez voir les Khawarij, vous allez mépriser votre prière en voyant leur prière. C'est-à-dire, quand vous allez voir la prière des Khawarij, vous allez dire: nous, on ne fait rien. On ne fait pas vraiment beaucoup de prières comparées à eux. Et vous allez mépriser votre jeûne en voyant leur jeûne. C'est-à-dire, vous allez voir ces gens-là comment ils jeûnent, vous allez dire: nous, on fait rien par rapport à eux. Et vous allez voir comment ils récitent le Coran, et vous allez dire: nous, on fait rien comparé à eux. Mais qu'est-ce qu'il a dit par la suite? Il a dit: يقرؤون القرآن لا تجاوز حناجرهم. Ils récitent le Coran, mais ça ne dépasse même pas leur gorge. Hein? Ils lisent le Coran sans aucune compréhension, hein? Sans aucune connaissance, sans aucune compréhension de la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que ils ne retournent pas à ceux qui ont la science. Hein? Et il a dit par la suite: يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ. Ils quittent la religion comme la flèche sort de son arc. Donc c'est pour dire que ces dix gens, ils rentrent dans l'islam avec beaucoup de force, avec beaucoup d'énergie, mais ils en sortent aussi rapidement parce qu'ils n'ont rien compris de la religion. Ils pratiquent comme ça, mais sans aucune connaissance, aucune compréhension. Et lorsque un des sahaba a mentionné justement à Abdullah ibn Abbas l'adoration des Khawarij et comment ils faisaient beaucoup d'efforts dans l'adoration, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhu, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit: ils ne font pas plus d'adoration que les Juifs et les chrétiens. Hein? Ils ne font pas plus d'adoration que les Juifs et les chrétiens. Et malgré ça, ils sont dans l'égarement. Donc ça veut dire que c'est pas uniquement de voir la quantité d'adoration que tu fais, mais c'est de savoir que ton adoration, elle est établie sur les bonnes bases et sur les bons principes pour que Allah subhanahu wa ta'ala les accepte, hein, qu'il soit établi sur la sunna. Donc il faut pas que ton adoration soit une adoration qui va être à la fin inutile et qui n'aura aucun bienfait, puisqu'elle ne sera pas acceptée d'Allah. Donc tu dois être certain que ton adoration, elle soit établie sur la science, et que ton adoration ne va pas être une adoration établie sur l'ignorance et l'égarement. Ensuite, le Cheikh dit: فَالْعِبَادَةُ لَهَا تَعْرِيفٌ مُخْتَصَرٌ ذَكَرَهُ ابْنُ الْقَيِّمِ رَحِمَهُ اللَّهِ وَتَعْرِيفٌ مُطَوَّلٌ ذَكَرَهُ شَيْخُهُ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ابْنُ تَيْمِيَّةِ. وهذان التعريفان مأخوذان من الكتاب والسنة وليس مأخوذين من الاصطلاحات المنطقية أو الكلامية. تعريف مأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن القيم رحمه الله في النونية: وعبادة الرحمن غاية حبه مع ذل عابده هما قطبان، وعليه وعليه فلك العبادة دائر وما دار حتى قامت القطبان وما داره بالأمر أمر رسوله لا بالهوى والنفس والشيطان. Donc le cheikh explique que l'adoration, elle a une définition qui est résumée, qui a été mentionnée par l'imam Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, et elle a également une définition qui est plus élaborée, qui a été mentionnée par son cheikh, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Et ces deux définitions sont toutes les deux extraites ou prises du Coran et de la Sunna, et elles ne sont pas prises des terminologies ou des définitions inventées par les gens qui se basent sur la logique ou sur le kalam, ilmul kalam ou des choses de ce genre. Ce sont des définitions établies et basées sur le livre d'Allah et sur la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'imam Ibn al-Qayyim, il explique dans sa Nouniya que l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est en fait l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'humilité du serviteur envers son créateur. Ces deux choses-là sont la base, hein, sont les deux pôles de l'adoration, l'amour et l'humilité. Et c'est autour de ces deux pôles-là que tourne toute l'adoration. Et de même que le fait qu'elle soit basée sur l'ordre du messager sallallahu alayhi wa sallam et non pas sur la passion et sur les désirs de l'âme ou bien sur les passions ou les choses du shaytan, les ordres du shaytan. Donc le shaykh dit هذا تعريف العبادة غاية الحب لله جل وعلا مع غاية الذل والانقياد والاستسلام لله وهذان هما القطبان اللذان يدور عليهما تلك فلك العبادة على هذين القطبين الحب لله مع الذل له والذي يدير هذا الفلك هو الآمر أمر الله ورسوله لا بالهوى والنفس والشيطان فلا يجوز لأحد أن يعبد الله إلا بما شرع وأنزل به كتابه أو به رسوله صلى الله عليه وسلم الذي هو مبلغ عن الله. Donc le cheikh explique la définition de l'imam Ibn Qayyim comme on l'a mentionné, que l'adoration c'est quoi? C'est la limite de l'amour pour Allah subhanahu wa ta'ala avec la limite de l'humilité et de la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala ainsi que son obéissance. Ces deux-là sont les deux piliers sur lesquels se base l'adoration. Et donc, de même que donc, il faut que la base de l'adoration, c'est basé sur quoi? C'est basé sur l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans l'amour d'Allah, il n'y a pas d'adoration. De même que l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala. Ça aussi, ça c'est le deuxième pilier de l'adoration. L'amour et l'humilité. Et la soumission en fait. L'humilité ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu te fais petit devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rabaisses devant Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Tu te soumets à Allah subhanahu wa ta'ala. Tu te rabaisses devant Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça que ça signifie. Az-zul. Hein? Et donc, c'est ça la base de l'adoration, c'est ces deux piliers-là. Et ensuite, il doit être établi sur l'ordre d'Allah et l'ordre de son messager, sallallahu alayhi wa sallam, et non pas sur la passion et les désirs de l'âme ou sur l'ordre du shaytan. Ensuite, donc, il dit que on doit se baser sur le livre d'Allah et sur l'ordre du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Hein, ce que Allah subhanahu wa ta'ala a légiféré. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui qui transmet la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est lui le messager d'Allah. C'est lui qui vient transmettre la révélation. Et donc c'est pour ça qu'on se réfère à son ordre également dans l'adoration. Ensuite le cheikh il dit qu'on ne doit pas se baser sur la passion, hein, et sur les désirs de l'âme. Madaruhu bil amr. بالأمر أمر رسوله لا بالهوى يعني كل ما هويت شيئا تتخذه عبادة لله ولا بطاعة النفس كل ما أملت نفسك عليك شيئا أو حسنت شيئا تجعله عبادة ولا باتباع الشيطان لأن شياطين الإنس والجن يدعون إلى عبادات منحرفة ليست هي العبادات التي شرعها الله جل وعلا. Donc tu te bases pas sur tes passions, tout ce que tu trouves dans ton cœur comme étant bon ou tu penses comme étant quelque chose de bien, tu penses que tu peux l'utiliser comme adoration, tu te bases là-dessus. Donc ça c'est pas une adoration. Il y a des gens comme ça qui inventent des adorations, ils pratiquent des choses, ils font des choses comme des gens d'expérience spirituelle, hein. Et vous trouvez ça chez des gens qui se disent soufis, parmi les soufis. Ils vont pratiquer des choses, puis après ils regardent l'effet que ça peut avoir sur eux. Est-ce que ça a un bon effet ou non? Et puis si ça marche, s'ils considèrent que eux, ils trouvent que ça fonctionne, alors ils l'utilisent par la suite et ils disent ça c'est une bonne façon d'adorer Allah. Même si c'est pas dans le Coran et dans la Sunna. Et ça vous le retrouvez, et sûrement vous avez déjà été, vous avez déjà entendu ou vu des gens parmi ces gens-là qui pratiquent des choses comme ça et qui prétendent que ce sont des adorations d'Allah. Vous avez des gens dans certains milieux, des soufis, ils vont se mettre ensemble et ils commencent à faire du tambour et puis ils commencent à chanter. Et puis après, ils sautent ou bien ils font des mouvements ensemble. Et puis ils pensent que de faire ça, c'est une adoration. Il y en a d'autres qui font des danses dans leur mosquée ou dans leur centre. Et puis ils pensent que ça, ce sont des adorations. Et ils pensent qu'en faisant ça, ils se rapprochent d'Allah. Il y en a d'autres même qui ont même des formes de respiration spéciales qu'ils utilisent, soi-disant, et ils font des dhikr comme ils prétendent, en mentionnant certains noms d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une certaine façon. Et puis ils pensent que en faisant ces choses-là, ils se rapprochent d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ces choses-là n'ont rien à voir avec l'adoration d'Allah. Et si tu leur demandes où est-ce que vous avez pris ces choses-là, ils ne vont pas être capables de ramener aucune preuve, ni dans le Coran, ni dans les hadiths, pour justifier ce qu'ils font. Hein? Et c'est pour ça, en général, que quand ils pratiquent ces choses-là, ils vont se cacher dans des endroits, hein, dans leur centre soufi, ou dans leur zawiya, ou bien dans leur endroit où ils pratiquent leur bid'a. C'est là qu'ils se réunissent entre eux pour les faire, parce qu'ils savent que ces choses-là sont rejetées par la majorité des musulmans. Ils sont obligés donc de se cacher pour pratiquer ces choses-là. Hein? Tandis que quand on pratique la sunna, on n'a pas à se cacher. Alhamdulillah, parce que c'est clair. Et si on nous demande, est-ce que tu as une preuve pour qu'est-ce que tu fais? Eh bien, tu peux ramener la preuve. Tu dis, voici Allah, il l'a dit dans le Coran, voici la preuve. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit ça dans la sunna, voici le hadith, il est dans tel livre. Hein? Dans Sahih al-Bukhari, dans Sahih Muslim, dans Sunan Ibn Majah ou At-Tirmidhi, et voici l'authenticité du hadith et tout. Tout est clair. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de choses qui ne sont pas claires. Donc ça, c'est très important que ton adoration soit basée là-dessus. Et donc, elle n'est pas basée sur tes passions, elle n'est pas basée sur tes désirs. Qu'est-ce que ton âme désire, tu le fais. Elle n'est pas basée non plus sur le fait de suivre le shaytan. Hein? Parce que les shayatines parmi les hommes et les djinns, ils invitent à des formes d'adoration qui sont déviées et elles n'ont rien à voir avec l'adoration que Allah subhanahu wa ta'ala a légiférée et avec lesquelles Allah a envoyé ses messagers et avec lesquelles il a fait descendre ses livres. Donc l'adoration ne doit pas être basée sur ces choses-là, mais sur la révélation. Et ensuite le cheikh dit, « Wa yaqul le cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, fi ta'rif al-mufassal lil-ibada, hada ta'rifun mujmal, ta'rif ibn al-Qayyim rahimahullah, ta'rifun mujmal, wa ta'rif cheikh al-Islam, ta'rifun mufassal. Yaqul, العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه انظر لكل ما يحبه الله هذا الشرط يَرَضَاهُ بِهَذَا الشَّرْطِ. Donc le cheikh, il dit que cheikh l'islam Ibn Taymiyyah, il a ramené une définition plus élaborée, plus détaillée de l'adoration. La définition de l'imam Ibn al-Qayyim, c'est une définition qui est générale, qui est globale. Tandis que la définition de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, elle est plus détaillée. Donc, elle commence par ceci. Donc, l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, il a défini l'adoration. Et il a dit que l'adoration, c'est un nom qui englobe tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce qu'il agrée. Donc, le cheikh, il dit, regardez qu'est-ce que dit l'imam Ibn Taymiyyah. Il dit, tout ce que Allah aime. Et donc, ça, c'est la condition. Tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime et tout ce qu'il a agréé. Ça, c'est la première condition. Et déjà, si on demande à quelqu'un, par exemple, comment tu peux savoir que Allah subhanahu wa ta'ala aime quelque chose? Eh bien, il faut avoir une preuve. Et c'est pour ça donc que c'est ça la première condition, qu'il faut que pour prouver que Allah aime quelque chose, il faut qu'il y ait une preuve dans la révélation pour justifier ça. Le cheikh il dit: amma alladhi la yuhibbuhu Allah wa la yardahu falaysa ibada falaysa ibadatan lillah jalla wa ala wa innama huwa ibadatun lil hawa wan nafs wa shaytan. Donc si quelque chose n'est pas aimé d'Allah et que Allah ne l'a pas agréé, alors ce n'est pas une adoration, c'est uniquement une adoration de ton nafs ou de ton hawa, de ta passion, de ton désir, de ton âme et du shaytan. Donc le cheikh il dit encore une fois la définition: ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda. C'est un nom qui englobe en général tout ce que Allah aime et tout ce qu'il agrée. Donc le cheikh il dit: radiyahu li nafsihi subhanahu wa ta'ala wa anzala bihi kitabah wa arsala bihi rasulah min al-a'mal wal aqwal. Al-a'mal, a'malul qulub wa a'malul jawarih, wal aqwal, aqwalul qulub wa aqwalul lisan. من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، الظاهرة على الجوارح المرئية والمسموعة، والباطنة التي في القلوب لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. Donc la suite de la définition c'est quoi? C'est que après avoir dit que c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et tout ce qu'il agrée, il dit par la suite que pour savoir ce que Allah il a agréé, il faut, comme j'ai dit tout à l'heure, regarder dans ce qu'il a fait descendre comme livre et dans les paroles de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et également, donc c'est tout ce qu'il a agréé et tout ce qu'il a aimé comme action et comme parole qui sont apparentes ou intérieures. Comme parole et comme action qui sont intérieures ou qui sont apparentes ou cachées à l'intérieur. Donc ça c'est la définition complète et le cheikh il explique, il dit que les actions et les paroles, ça comprend premièrement ces deux choses, les actions et les paroles. Les actions, ça comprend quoi? Ça comprend les actions du cœur et les actions des membres et du corps. D'accord? Et les paroles, ça comprend les paroles du cœur et les paroles de la langue. Donc, les actions et les paroles qui sont apparentes, c'est-à-dire, comme on a expliqué, les actions du corps, qui sont apparentes, et les paroles qui sont apparentes, qu'on entend, et les actions du cœur et les paroles du cœur, qui sont cachées, qui sont à l'intérieur et que personne ne peut savoir ou connaître excepté Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire que les adorations qui se produisent dans notre cœur, personne ne peut les voir excepté Allah subhanahu wa ta'ala. Donc le cheikh il dit: فَالْعِبَادَةَ تَكُونُ عَلَى اللِّسَانِ مِثْلُ الْأَذْكَارِ وَالتَّسْبِيحِ وَالتَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ والتحميد هذه العبادة تؤدى من اللسان مع القلب واللسان هو مظهرها وهو الذي يتحرك بها فجميع الأذكار الشرعية التي تقال باللسان هي عبادة لله سبحانه وتعالى وعبادة على الجوارح كالصلاة والجهاد في سبيل الله والهجرة وسائر الأعمال التي تؤدى بالجوارح بالأفعال الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج وعمرة وجهاد في سبيل الله وهجرة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر وصلة للرحم وبذل للمعروف وكف للأذى وغير هذا من العبادات على الجوارح الظاهرة التي يراها الناس. Donc le cheikh il explique que l'adoration elle peut être avec la langue comme par exemple les zikrs que tu fais avec ta langue comme le tasbih tu dis subhanallah le tahlil tu dis la ilaha illallah le takbir tu dis allahu akbar le tahmid tu dis alhamdulillah donc tout ça ce sont des adorations que tu fais avec ta langue et avec le cœur également hein. Et donc, la langue, c'est qu'est-ce qui fait sortir et qu'est-ce qui montre hein, cette adoration-là. Et c'est qu'est-ce qui le fait bouger. Hein. Donc, toutes les adhkars qui sont basées sur les règles, sur la sharia, les adhkars que tu fais qui sont basées sur des preuves de la sharia et que tu dis avec ta langue, ce sont des adorations. Et il dit les adorations également que tu fais avec ton corps. Comme par exemple la salat, le jihad fi sabilillah, la hijra, le fait de quitter les pays des kuffars et des mushrikins pour aller vivre dans les pays des musulmans. Ça s'appelle la hijra. Et toutes les autres actions que tu fais avec ton corps, avec tes actions apparentes, comme par exemple la salat, le jeûne, hein, Ramadan, et les autres jeûnes aussi, la zakat et le hajj et la umrah et le jihad fi sabilillah, tout ça c'est des adorations. De même que la hijra, hein, comme on a dit tout à l'heure, le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal, le fait de garder les liens de la parenté et de dépenser tout ce qui est bon, hein, fi sabilillah, et de stopper ou d'arrêter tout ce qui est mauvais. Donc tout ça, ça fait partie. Hein, des adorations que tu fais avec ton corps et qui sont apparentes, que les gens voient. Et il dit wa ibadatun ala al-qulub wa hadhihi hiya al-asas min al-khawf min Allah jalla wa ala wal-khashya lillah jalla wa ala wa hadha hiya fi al-qulub wal-raghba wal-rahba min Allah والتوكل والاستعانة والاستعاذة كل هذه الأعمال كل هذه أعمال القلوب لا يعلمها إلا الله بأن يكون القلب متجها إلى الله سبحانه وتعالى متعلقا بالله يستعين بالله ويتوكل على الله ويخشى الله ويخاف الله ويراقب الله دونك الشيخ الزي كل ذلك عبادة على القلوب. Donc le cheikh explique qu'il dit également il y a les adorations du cœur et les adorations du cœur sont la base en réalité. Les adorations du corps et de la langue, hein, à la base de ces adorations là il y a les adorations du cœur. Et les adorations du cœur, qu'est-ce que c'est? Les adorations du cœur, c'est comme par exemple la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-khawf wal-khashya, hein, de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. La crainte, quand on dit al-khawf, c'est-à-dire la peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, la crainte. Al-khashya, c'est une crainte accompagnée de science, hein, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Donc, al-khashya, c'est une crainte d'Allah basée sur la connaissance. C'est pas une crainte basée sur l'ignorance, comme certains, par exemple, qui pensent qu'ils craignent Allah et qui font n'importe quoi sans connaissance, au nom de la crainte, alors qu'en réalité, hein, c'est pas ce que Allah leur a ordonné de faire qu'ils font. Donc ça, c'est pas une crainte basée sur la science. Donc, al-khashiyah, hein, khashiyatullah. Donc ça, c'est dans le cœur. De même que al-rahba, hein, de désirer ce que Allah aime. Et al-rahba, hein, de s'enfuir de tout ce qui est mauvais et de tout ce que Allah déteste. Hein, par crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Al-tawakkul, le fait de mettre sa confiance en Allah. Ça, c'est une adoration du cœur. Al-tawakkul, la confiance qu'on met en Allah, c'est une des plus grandes formes d'adoration. Et pourtant, c'est à la base, elle est dans le cœur. Hein? Al-isti'ana wal-isti'adha, le fait de demander l'aide et de rechercher le refuge en Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ça, ce sont des adorations du cœur. Personne ne peut les voir accepter Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Allah qui voit qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur lorsque tu as ces adorations-là. بأن يكون القلب متجها إلى الله, que ton cœur soit dirigé vers Allah subhanahu wa ta'ala, accroché à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, en cherchant l'aide d'Allah et la confiance en Allah subhanahu wa ta'ala et la crainte d'Allah, hein, et de savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, hein, tu crois dans ton cœur que Allah subhanahu wa ta'ala, il te surveille à chaque instant, à chaque moment, hein, ça c'est des adorations. Hein? Ce sont des adorations du cœur. فالعبادة شاملة للقلب واللسان والجوارح. هناك عبادات قولية قد ذكرناها وعبادة فعلية بدنية مثل الصلاة والصيام, هذه تكون بالبدن, وعبادات مالية تكون بالمال مثل الزكاة والصدقات والنفقات في وجوه الخير, هذه عبادات مالية وعبادات تجمع بين الأمرين, عبادات مالية وبدنية مثل الحج. الحج فيه أعمال للبدن وفيه إنفاق للمال. الحج والعمرة هذه بدنية مالية, وكل ذلك لله سبحانه وتعالى. فالعبادة الشاملة لكل حياة المسلم تشملها العبادة إذا صلحت نيته وأخلص لله سبحانه وتعالى. Donc le cheikh explique que l'adoration, donc, elle comprend les adorations faites avec le cœur, avec la langue et avec le corps. Et il y a d'autres adorations également qui sont avec les paroles, comme on les a mentionnées, et les adorations qui sont faites avec le corps, comme la salat, le jeûne, et ce sont des adorations du corps. Et il y a également des adorations qui sont des adorations économiques, qui sont basées sur qu'est-ce qu'on dépense de nos biens et de notre richesse, de notre argent, comme la zakat, c'est une adoration financière, une adoration qu'on fait avec l'argent. Hein, et les sadaqat, et les nafaqat, hein, par exemple les sadaqat quand tu donnes en charité, ou bien un nafaqat quand tu nourris les gens qui sont sous ta responsabilité, comme ta famille, tes enfants, ta femme, hein, qu'est-ce que tu dépenses pour ta famille, ça fait aussi partie des adorations. Donc tout ça que tu dépenses dans le bien, ça, ce sont des adorations économiques. Et il y a donc des adorations aussi qui réunissent les deux, qui sont en même temps économiques et en même temps faites avec le corps et physique. Et comme par exemple le hajj. Donc le hajj, quand tu le fais, ce sont des actions que tu fais avec le corps et en même temps tu dépenses de ton argent et de tes biens pour les accomplir. Comme la umra, le hajj et la umra, ce sont des adorations qui comprennent des adorations faites avec le corps et avec tes biens également. Donc tout ça tu le fais pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc l'adoration, elle comprend la vie tout entière du musulman. Elle est globale, l'adoration. Et donc du moment que ton intention a été correcte et que l'adoration que tu fais, elle est pure et sincèrement pour Allah, alors dans ce cas-là, c'est une adoration qui sera acceptée. فقد تكون العبادات فقد تكون العادات تتحول إلى عبادات العادات التي ليس فيها ثواب ولا عقاب أحيانا تتحول إلى عبادات إذا نوى بها التقرب إلى الله جل وعلا وذلك مثل النوم ينام الإنسان ليأخذ راحته من أجل أن يقوم من آخر الليل فيجتهد فيتهجد ويوتر ويستغفر في السحر وينشط لصلاة الفجر فنومه الذي يعينه على ذلك عبادة لله يؤجر عليها وهو نوم وهو نوم وراحة ولكن إذا نوى به التقوى على عبادة الله التقوي على عبادة الله صار عبادة يعني donc ça c'est un exemple. Le cheikh il dit qu'il y a des choses que tu fais, des actes que tu fais qui sont des actes habituels, des choses naturelles que tu fais, qui peuvent devenir des adorations également. Hein? Donc, ces actes que tu fais qui sont habituels, dans lesquels il n'y a pas de récompense ni de punition dedans, des choses qui sont ordinaires que tu fais de la vie, qui peuvent être transformées en adoration lorsque ton intention est de te rapprocher par celle-ci à Allah subhanahu wa ta'ala. Comme par exemple, le sommeil. Lorsque un individu dort pour prendre de la force, pour prendre son repos, dans le but d'être capable, à la fin de la nuit, de se réveiller pour faire des prières. Hein? Dans le but de faire le witr. Ou dans le but de demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala à l'aube. Donc, il se couche plus tôt et il dort pour avoir de la force, pour être capable de se lever pour la prière de Fajr. Hein? Donc, tout ça, dans ce cas-là, son sommeil vient l'aider dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il est récompensé pour son sommeil. Et son sommeil devient une adoration. Même son sommeil devient une adoration dans ce cas-là. Hein? Donc, le cheikh, il dit, c'est un sommeil, hein, et c'est quelque chose qui t'amène le repos, mais lorsque tu as eu l'intention de reprendre tes forces pour être capable d'adorer Allah, alors ça devient une adoration. Il dit, فالأكل إذا أكل الإنسان من أجل أن يستعين بالأكل على عبادة الله على الجهاد في سبيل الله على الصوم وكذلك السحور تسحر الصائم فيه أجر فهو يأكل ويؤجر لأنه ينوي بهذا الأكل بهذا الأكل التقوي على الصيام وعلى عبادة الله فيؤجر على ذلك ويأكل ويتناول شهوته ولذته ويؤجر بل حتى جماعه لزوجته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي بضع أحدكم صدقة قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر فقال أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه إثم قالوا نعم قال كذلك إذا وضعها في حلال فإذا جامع زوجته يريد بذلك التعفف عن الحرام وكف نظره عن الحرام وإعفاف زوجته عن الحرام يؤجر على ذلك وإن كان فيه رغبة للنفس وشهوة للنفس hein? Donc le cheikh qu'est-ce qu'il explique ensuite? Il a dit, le cheikh il dit que lorsque un homme mange et que il mange pour essayer de trouver des forces pour être capable d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, alors le fait qu'il mange, ça devient pour lui une adoration dans ce moment-là. Puisqu'il mange dans le but d'avoir la force pour être capable, par exemple, hein, de faire le jihad fi sabilillah ou de faire le jeûne. Comme par exemple, lorsque tu manges le repas de suhur, tu manges le repas de suhur, hein, lorsque avant l'aube, tu manges le suhur avant de passer ta journée du jeûne. Suhur, c'est une ibada. Lorsque tu manges, tu vas être récompensé. Parce que tu manges le suhur, c'est pour avoir des forces pour être capable de jeûner comme il faut. Hein? Et donc, avec cette intention-là, c'est d'avoir de la force pour être capable de jeûner et pour être capable d'adorer Allah. Donc, ça devient une adoration et tu es récompensé pour ça. Ou même lorsque quelqu'un va même satisfaire ses désirs, parfois il va être récompensé. Même lorsque un homme, par exemple, a des rapports charnels avec sa femme, avec son épouse, eh bien, il est récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala pour ça. Et il mentionne le cheikh, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par l'imam muslim, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et lorsque vous avez des rapports charnels avec votre femme, il y a pour vous une sadaqa. Une sadaqa pour vous et votre femme. Hein? Donc les sahaba ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que l'un d'entre nous, il va satisfaire ses désirs et il va être récompensé pour ça en plus? Hein? Subhanallah, habituellement, quand on fait quelque chose qu'on aime, on ne pense pas être récompensé pour ça. Et là, on fait quelque chose qu'on aime et Allah subhanahu wa ta'ala nous récompense en plus. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, qu'est-ce que vous êtes s'il le fait dans le haram? N'est-ce pas qu'il va être puni? N'est-ce pas que ça va être un péché s'il fait ça dans le haram? Ils ont dit, les sahaba ont dit, oui, s'il le fait dans le haram, ça va être un péché. Alors, il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait cette analogie pour faire comprendre. Il a dit, donc, dans ce cas-là, s'il le fait dans le haram, il va être puni, ça va être un péché. Donc, s'il le fait dans le halal, il va être récompensé. Hein? Et donc, le cheikh, il dit, lorsque un homme a des rapports charnels avec son épouse, et que quand il le fait, son intention, ce qu'il veut par ça, c'est de garder sa chasteté pour s'écarter du haram, pour baisser son regard de ce qui est haram, et pour aider sa femme également à rester dans la chasteté et de s'éloigner du haram, il est récompensé pour ça. Même si là-dedans il y a un désir de son âme ou quelque chose qu'il aime lui ou une passion. ولكن إذا نوى به التقوي على العبادة صار هذا عبادة صار هذا عبادة. Donc ça devient une adoration lorsque quelqu'un le fait et que ça l'aide à être un meilleur musulman, à rester dans le halal, à rester dans l'adoration d'Allah. والنفقة التي ينفقها الإنسان أنت تنفق على نفسك وعلى أولادك وعلى زوجتك على زوجك تؤجر على ذلك تؤجر على ما تنفقه على نفسك وعلى أولادك وعلى زوجتك ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أنفقت من نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تضعه في امرأتك في امرأتك يؤجر الإنسان على هذه العبادة. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, même la nafaqa que tu fais, lorsque tu dépenses de ton argent pour nourrir ta famille, nourrir ta femme, nourrir tes enfants, tu es récompensé pour ça, tu as une récompense pour ça. Lorsque tu dépenses pour t'entretenir toi-même, tes enfants, ta femme, eh bien, t'es récompensé pour ça. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, dans un hadith rapporté par l'imam Malik dans Al-Muwatta, il dit, tout ce que tu dépenses, et que tu cherches par cela le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, tu seras récompensé pour l'avoir dépensé. Même ce que tu mets dans la bouche de ton épouse comme nourriture, tu vas être récompensé pour ça. Donc ça c'est pour dire que l'homme il sera récompensé pour ça et ce sera une adoration. Et c'est pas seulement pour l'homme, même la femme, tout ce qu'elle fait aussi pour son mari dans la maison ou pour ses enfants dans la maison, elle est récompensée pour ça par Allah subhanahu wa ta'ala si elle le fait dans le but de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Donc quand elle fait la vaisselle, quand elle prépare un repas, quand elle nettoie la maison, quand elle s'occupe de ses enfants, tout ça, Allah subhanahu wa ta'ala la récompense pour ça et ça devient une adoration pour elle si elle le fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, elle est capable de rendre toute sa vie en entière comme étant une adoration et d'être récompensée pour ça également. Le cheikh dit ma'a niyya takunu ibada tatahawwalu min kawniha 'ada ila kawniha ibada. Selon l'intention de la personne, son action qu'il fait qui est totalement naturelle, elle est transformée en adoration à cause de son intention. طلب الرزق البيع والشراء والحركة وطلب الرزق الحركة في طلب الرزق الحلال هذا عبادة. أنت تجمع نقودا تدير تجارة تؤجر على هذا فتكون في عبادة الله. إذا نويت بهذا المال الاستعانة به على طاعة الله سبحانه وتعالى وعلى أداء الحقوق الواجبة عليك وعلى كفاف نفسك عن الناس والاستغناء عن الناس وكفاف ما تحت يدك نويت التصدق منه على المحتاجين تؤجر على ذلك على كسبك وجمعك للمال إذا نويت به النية الطيب النية الطيبة تؤجر على ذلك. Donc le cheikh il explique, il dit également tout ce que tu fais pour rechercher ton risque, hein, comme la vente, l'achat, le commerce, tu bouges dans le but d'obtenir et de rechercher ton risque halal, ça c'est une adoration, hein. Tu ramasses de l'argent, tu gères ton commerce, tu es récompensé pour ça, et ça devient une adoration. Lorsque tu le fais avec l'intention qu'avec cet argent, tu vas chercher à être capable d'établir l'adoration d'Allah et l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, et de donner à chacun les droits qu'ils ont sur toi, hein, et également de t'occuper de toi-même pour être sûr que tu as tout ce que tu as besoin, que tu es satisfait dans qu'est-ce qui est bien, dans qu'est-ce qui est halal, comme ça tu n'as pas besoin de demander aux gens, et tu peux gérer les gens qui sont sous ta responsabilité dans ta maison. Ou bien aussi tu as l'intention de donner en sadaqa avec cet argent-là à ceux qui en ont besoin parmi ceux qui sont pauvres. Tu es récompensé pour ça. Tu es récompensé pour ce que tu gagnes de cet argent. Tu es récompensé de ce que tu as rassemblé de cet argent-là lorsque tu as une bonne intention. Tu es récompensé, hein, pour ces choses-là, et ces choses naturelles et normales deviennent des adorations avec la bonne intention. Hein? إن كان هذا من أمور العادة ولكن يتحول مع النية الصالحة إلى عبادة. Donc ça c'est des choses importantes, et des fois on néglige ces choses-là, on ne réalise pas. Donc le cheikh dit ليست العبادة إذا مقصورة على الصلاة والصيام والحج والنفقة. نعم هذه عبادات ولكن العبادة أشمل من هذا لا كما يفهم بعض الناس أن الدين لا يكون بغير الصلاة والمسجد. إذا طلع من المسجد هو حر يفعل ما يشاء. هذا غلط. أنت عبد لله في المسجد وفي الشارع وفي البيت وفي البر وفي البحر. أنت عبد الله جل وعلا. يجب أن تكون العبادة مصاحبة لك في أي مكان وأي زمان كنت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. Donc le cheikh, qu'est-ce qu'il explique par la suite? Il dit donc que l'adoration c'est pas, hein, juste qu'est-ce qu'on s'imagine de faire juste la salat ou le jeûne ou le hajj, hein, ou la nafaqa. Oui, ça ce sont des adorations. Mais l'adoration elle est plus vaste que ça. Elle est plus globale que ça. Elle englobe plus que ça. C'est pas comme certains qui s'imaginent que la religion, c'est uniquement la salat puis la mosquée. Hein? Et lorsqu'ils sortent de la mosquée, ils pensent qu'il est libre. Il peut faire ce qu'il veut. Hein? Ça, c'est une erreur. Tu dois être un esclave d'Allah dans la mosquée, et tu dois être un esclave d'Allah dans la rue, et tu dois être un esclave d'Allah dans la maison, tu dois être un esclave d'Allah sur terre ou sur mer, peu importe où tu es, tu dois être un esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la mosquée ou dans la rue ou dans la maison, il n'y a pas de différence. Hein? Il y en a qui pensent comme ça des fois. L'islam, c'est juste dans la mosquée. Une fois que tu sors de la mosquée, tu fais ce que tu veux. Hein, t'es libre. Ça, c'est pas correct. Donc, il dit le cheikh, يجب أن تكون العبادة مصاحبة لك في أي مكان. Hein? Donc, ton adoration, elle doit t'accompagner dans tout lieu et à tout moment. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, crains Allah là où tu es. Peu importe où tu es, crains Allah et fais suivre la mauvaise action par une bonne et elle va l'effacer. C'est, la bonne action va effacer la mauvaise. Hein? Et ça, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam At-Tirmidhi. Hein? Il est dans Al-Arba'un al-Nawawiyya, na'am. Donc, le cheikh dit, wa qala alayhi salatu wa salam, al-ihsan an ta'abud Allah ka'annaka tarah, fa'in lam takun tarahu fa'innahu yarak. تراقب الله جل وعلا في أي مكان وفي أي زمان على أي حالة أنت تراقب الله تخشاه تتقيه لا تعمل شيئا يغضب الله تكون في عبادة ما دمت على هذه الحالة دائما تراقب الله أينما كنت بعض الناس يفهم أن العبادة في المسجد فقط وإذا خرج منه له أن يكذب وله أن يغش وله أن يخدع وله أن يضرب الناس وله أن يسرق ويأخذ أموال الناس ويظلم ويقسم وإذا جاءت الصلاة راح يصلي تقول نعم الصلاة صحيح عبادة عظيمة ولكن لا بد مع الصلاة تجنب ما حرم الله والتزام بما أمر الله دائما وأبدا. Donc le cheikh il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, al-ihsan, al-ihsan, c'est traduit par la bonté et c'est traduit également par le perfectionnement dans l'adoration, c'est d'adorer Allah comme si tu le vois. Et si tu n'arrives pas à ça, alors tu l'adores et tu restes conscient que lui, il te voit. Hein? Donc, tu restes conscient que Allah subhanahu wa ta'ala, à chaque mouvement, dans chaque lieu, à chaque instant, Allah subhanahu wa ta'ala, il te surveille. Hein? Peu importe la situation et l'état dans lequel tu es, Allah, il te surveille. Et donc, tu le crains. Hein? Tu t'éloignes de ce qu'il aime pas et tu te rapproches de ce qu'il aime. Tu fais rien de ce que Allah déteste et de ce qui amène la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tu restes constamment dans une adoration tant que tu restes dans cet état-là. Tant que tu restes dans cet état, tu es constamment dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu restes toujours conscient que Allah est en train de te regarder et de te surveiller. Il y a des gens qui comprennent de l'adoration que c'est uniquement dans la mosquée. Ça, c'est une erreur, comme on l'a dit tout à l'heure. Lorsqu'il sort de la mosquée, il se permet de mentir, il se permet de tricher, il se permet de tromper les gens, il se permet de frapper les gens, il se permet de voler, de prendre les biens des gens, de faire de l'injustice. Hein? Ainsi de suite. Et lorsque vient l'heure de la salat, tout de suite il vient, il va, il prie. Il dit, hein? Donc le cheikh il dit, oui c'est bien la salat, hein? C'est une adoration, une grande adoration, mais il faut, avec la salat, en même temps s'écarter des choses haram et s'écarter de yani, ce qu'Allah a interdit et rester accroché aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, toujours, à tout instant. Donc le cheikh il dit, قال الله جل وعلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فالصلاة ليست سورة ركوع سجود قيام فقط ولكنها خشوع وذل وإقبال على الله ثم تؤثر على الإنسان إذا خرج من مصلاه تؤثر عليه في سلوكه وفي حياته فيلتزم بطاعة الله سبحانه وتعالى هذا علامة الصلاة المقبولة. Donc le cheikh il explique par la suite, il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans sourate Al-Ankabut le verset 45, établit la salat. La salat elle interdit, hein, elle t'arrête ou elle t'empêche de faire les turpitudes, les grands péchés et les choses mauvaises, hein? Et le rappel d'Allah est plus grand. Donc la salat, c'est pas seulement cette apparence ou cette image qu'on voit de faire les mouvements seulement, comme le recours, le sujoud, hein, le qiyam dans la prière. C'est pas seulement ça. Le cheikh il dit, c'est également et surtout, hein, l'humilité envers Allah subhanahu wa ta'ala, hein, et le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, hein, d'être concentré dans ta prière, hein, et d'avoir du recueillement dans notre prière et de se tourner vers Allah subhanahu wa ta'ala. Puis on voit les effets par la suite de cette prière sur la personne lorsqu'elle sort de son lieu de prière. Ça a un effet, ça a un impact sur son comportement, sur sa vie, hein? Et donc il reste accroché à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le signe que sa salat, elle est acceptée, hein? Le cheikh il dit ensuite, أما الإنسان الذي يصلي ثم يخرج ويعطي نفسه ما تشاء من المحرمات هذا دليل على أن صلاته ما هي بصلاة صحيحة هي صلاة في السورة ولكن في الحقيقة ليست بصلاة فالصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر لا تذكر لا تذكر بالله هذه ليست لا تذكر بالله هذه ليست صلاة صحيحة وإن كان لا يؤمر بالإعادة فيكون صلى في الظاهر ولكن في الباطن هي ليست صلاة فعلى الإنسان أن يحاسب نفسه مع هذه الأمور هذه العبادة ليست العبادة شعائر مخصوصة فقط بل هي شاملة لكل حياة المسلم حتى العادات تتحول إلى عبادات إذا نواها وصلحت نياته فيها هذه شمولية العبادة فالدعاء عبادة والخوف والرجاء والاستعانة والاستغاثة والرغبة والرهبة والذبح والنذر كل هذه عبادات صلة الأرحام بر الوالدين جهاد في سبيل الله الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تعليم الناس الخير بذل المعروف كل هذه عبادات. Donc le cheikh explique, il dit, lorsque quelqu'un il prie, puis lorsqu'il sort de sa prière, hein, il donne à son âme tout ce qu'elle désire comme interdiction, comme chose interdite. Ça c'est la preuve que sa salat, ce n'est pas une salat qui est correcte. En apparence, c'est une salat, mais dans la réalité, ce n'est pas une salat. La salat, c'est celle qui interdit quelqu'un de faire les péchés, les turpitudes, hein, et qui te rappelle d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mais si ce n'est pas le cas, si elle ne te rappelle pas d'Allah, ça ce n'est pas une salat qui est correcte. Même si on n'est pas ordonné de la refaire, on n'est pas ordonné de reprendre notre prière, hein, dans ce cas-là, parce qu'en apparence, on l'a fait la prière, donc elle est acceptée en apparence, à l'extérieur. Mais à l'intérieur, ce n'est pas une salat correcte. Donc, chacun d'entre nous, on doit se remettre en question par rapport à ces choses-là. Donc, il faut comprendre que l'adoration, ce n'est pas juste des rituels qu'on fait, hein. Il faut que ce soit quelque chose qui comprenne la vie entière du musulman. Et que même les actes qu'on fait, qui sont des actes d'habitude, des actes habituels de la vie, hein, des choses ordinaires, elles se transforment en adoration lorsque on a la bonne intention. Et donc, ça c'est la globalité de l'adoration. Shumuliyatul ibada. Donc, le dua c'est une adoration, la crainte c'est une adoration, l'espoir, l'isti'ana, chercher l'aide d'Allah, chercher d'appeler Allah au secours lorsqu'on a un moment de détresse, de chercher, hein, à faire ce que Allah aime, de s'écarter de ce que Allah déteste, de sacrifier pour Allah, de donner, hein, de faire des vœux pour Allah subhanahu wa ta'ala, toutes ces choses-là sont des adorations. De même que de garder les liens de la parenté, hein, d'être bon envers les parents, de faire le jihad fi sabilillah, d'ordonner le bien et d'interdire le mal, toutes ces choses-là sont des adorations. Et donc, on va s'arrêter ici si vous voulez, inshallah, et puis on continuera, inshallah, la suite à la prochaine rencontre, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته